Les souvenirs d'un de ses amis. Monsieur Paul Olivier, conférencier et journaliste éminent, m'a envoyé les notes suivantes dans lesquelles il y a beaucoup de détails intéressants pour la reconstitution de la psychologie de Mata Hari. Après une conférence qui date de 1912, je restais en relation avec Mata. Elle m'invita à aller la voir dans sa villa de Neuilly, mais quoique j'éprouvasse le plus vif plaisir à causer avec elle, je ne profitais de l'invitation que deux ou trois fois à cause de mes nombreuses occupations. Par contre, elle venait me voir dans mon bureau à Paris au moins une fois par semaine. Ses visites cessèrent vers la fin du printemps de 1913, quand elle se rendit compte que je satisfaisais bien mal sa curiosité excessive au sujet des affaires politiques, des secrets de coulisses de la presse et des événements du moment. Elle semblait s'intéresser beaucoup à ce qui concerne les moyens d'information des grands journaux. Je lui expliquais ce que je pouvais, puis elle se proposa de savoir, grâce à moi, quel genre de personne était le correspondant à Berlin d'un journal, et n'y réussit qu'à moitié, car je connaissais à peine ce journaliste. Elle voulut entrer en relation avec quelques-uns de mes compagnons, mais les circonstances de la vie journalistique, en nous obligeant tous à de perpétuels voyages, ne se prêtaient pas à ses projets. Pendant l'automne de 1913, elle vint me voir une fois ou deux. Puis je tombai malade, je partis pour le midi. Je ne revins à Paris que 8 mois plus tard. Le jardin de sa villa de Neuilly était entouré de hauts murs qui le garantissaient contre les regards indiscrets, et c'est pourquoi elle pouvait, ainsi qu'elle-même me l'a dit, céder à la fantaisie qui la prenait souvent de danser toute nue à cet endroit la nuit au clair de lune. C'était pour son plaisir et pour le plaisir de ses intimes. Quand je la connus, elle m'affirma qu'elle était en instance de divorce. Un jour du début de 1913, elle vint me voir, le visage baigné de larmes, et me dit que son mari venait de la frapper jusqu'au sang. Son corps, en effet, était couvert d'ecchymoses. Elle me demanda conseil pour abréger les formalités de son divorce. Je lui remis une carte pour un avocat de mes amis. Cet avocat ne reçut jamais sa visite. Il s'agissait d'une simple comédie dont je ne cherchais pas sur le moment à découvrir le mobile. Puis j'ai pensé qu'elle avait peut-être visé à m'inspirer de la pitié, afin de m'associer plus intimement à son existence, dans l'espoir de pénétrer de cette façon dans la coulisse de la presse parisienne. Mauvais calcul, en tout cas, car ce n'est pas dans les salles de rédaction qu'on peut apprendre quelque chose de certain en matière politique. Elle avait un art de séduction très singulier, fait de mignardise et de violence. Elle se montrait très grande dame parfois, et une minute après, elle se complaisait à parler grossièrement et à rire aux éclats comme une prostituée de bas étage. Lyrique en certaines occasions, je me rappelle l'avoir entendue déclamer sans emphase et avec un enthousiasme qui dénotait un profond amour de la beauté des extraits des grands poèmes de l'Inde. Quelquefois, elle ébauchait en même temps des pas de danse qui s'harmonisaient avec les vers qu'elle disait, et cela d'une façon majestueuse et aisée, rythmique et gracieuse. Elle avait les plus beaux bras que j'ai vus de ma vie. La légende du sein mutilé. Nous avons tous lu dans les biographies de Mata Hari un épisode qui explique la constance avec laquelle cette femme, si encline à se déshabiller en public, conservait toujours les seins couverts de deux minuscules égides de filigrane. « Mon mari, le capitaine MacLeod, était si jaloux, disait-elle, qu'il me menaçait très souvent de me défigurer afin que personne ne s'éprît de moi. Ce qui l'affolait le plus durant nos nuits d'amour, c'était de penser que mes seins menus, fermes, pareils à des coupes de Corinthe, pouvaient être caressés par d'autres mains, baisés par d'autres lèvres. « Je préférerais te les arracher, » murmurait-il en crispant ses doigts sur ma poitrine, et il me fallait employer alors toute la persuasion de mes charmes pour calmer son délire et même l'obliger à s'agenouiller devant mon corps. Une nuit, après un long moment de silence, il s'approcha de moi dans notre lit et me baisa les seins longuement. Soudain, comme obéissant à une impulsion féroce, il m'arracha d'un coup de dent le mamelon gauche et l'avala. C'est pourquoi, depuis lors, je n'ai jamais montré à personne mon torse complètement nu. Eh bien, une lettre que l'illustre peintre Guillaumet m'a écrite pour me relater ses relations avec Matahari démontre que cette histoire de saint mutilé n'est qu'une légende destinée à cacher une réalité plus naturelle et moins pathétique. Voici cette lettre que je publie avec l'autorisation de l'auteur, à une date que je ne puis guère préciser, mais qu'on pourrait retrouver facilement car elle est rapprochée de celle de la première à la Gaîté de la Messaline de Moreau et d'Isidore de Lara. Une femme se présenta dans mon atelier et me dit « Je voudrais travailler comme modèle. »« Fort bien, lui répondis-je, montrez-moi votre corps. » « Oh non, je ne veux poser que pour la tête. Je suis la veuve d'un colonel mort aux Indes. J'ai deux fils et je me trouve sans ressources pour les élever. Je m'appelle Madame MacLeod. Dans ce cas, comme vous êtes jolie, il ne vous sera pas difficile de trouver quelques séances pour le visage, mais on vous paiera beaucoup moins que si vous consentiez à poser toute nue, car selon les apparences, vous devez être très bien faite. » Toutefois, je n'insiste pas. Madame MacLeod se lamenta alors à cause de l'immolation pour elle terrible de sa pudeur, de l'outrage que cela constituait pour le grand nom qu'elle portait, etc. Mais quand je lui dis d'agir à sa guise, brusquement, elle se déshabilla. C'est ainsi que je pus voir à la lumière crue de l'atelier ses belles épaules, ses beaux bras, ses très bellissimes jambes. Mais hélas, quelle poitrine blette! Elle avait des hanches chevalines et son ventre était défraîchi. Mais surtout, quelle poitrine fatiguée! Cela m'a expliqué pourquoi, par la suite, elle portait toujours deux coquilles de métal comme inséparables soutien-gorge. Courtoisement, quoique sans pouvoir dissimuler tout à fait ma désillusion, je lui dis qu'en effet, il valait mieux qu'elle ne posât que pour la tête. Ces paroles provoquèrent une crise de nerfs. L'outrage à sa pudeur avait été intolérable. Ma femme accourut à son aide, lui mouilla les tempes d'eau de Cologne, lui fit respirer un flacon d'éther. Je la gardai comme modèle pour une affiche de Messaline. Puis je l'envoyai à un de mes amis, le peintre à cire, qui la fit travailler longtemps pour le visage et les costumes. Elle lui raconta des choses bizarres qu'il pourrait vous rapporter. Mais pour mon propre compte, voilà tout ce que je puis vous dire. Ainsi donc, ces saints fameux que nul à l'époque de l'apogée de la Bayadère ne put voir, même dans l'intimité du lit, ces saints mystérieux qui inspirèrent tant de madrigaux n'étaient que deux pauvres petits nichons flétris, fatigués et flasques. Voici une série de notes que je trouve réunies dans une étude documentaire paru dans le Mercure de France sous la signature de M. Pierre Dufay. D'un article sans doute oublié de M. René Puot, publié sous le titre de Paris à Khartoum par le Temps du 21 mars 1907. Samedi, nous n'avons reçu qu'aujourd'hui au départ de Naples la liste complète des passagers, mais les Parisiens qui sont à bord ont reconnu dès Marseille une célébrité, Matahari, la fameuse danseuse hindoue qui nous révéla les danses sacrées qui exigent la nudité. Elle a renoncé à Shiva et à son culte. Elle est devenue berlinoise, parle l'allemand avec un accent aussi peu oriental que possible, et compte bien finir ses jours sur les bords de la Spree. Son plus vif désir est qu'on oublie sa brillante carrière et ses succès des musées Guimet et du Trocadéro. Damit ist es fertig. Et l'Égypte ne l'attire point pour y rechercher des danses nouvelles. Quand il reproduisait ce passage relatif à Matahari, l'intermédiaire des chercheurs et curieux portant la date du 20 mai 1907 ne prévoyait guère que la danseuse rouge finirait ses jours non sur les bords de la Spree, comme elle le désirait, mais à l'orée du bois de Vincennes. Cette déclaration d'amour faite dès 1907 par Matahari en faveur de l'Allemagne, sa nouvelle patrie, n'en est que plus intéressante à joindre à l'évocation faite par Louis Dumur de la Belle et dangereuse espionne. De l'intermédiaire, 30 septembre 1906. Pendant tout l'hiver 1904-1905, Matahari avait donné de nombreuses représentations payées dans des salons parisiens et dans de grands cercles. Le maillot faisait absolument défaut, et après avoir sacrifié à son dieu son voile de chasteté, l'artiste restait toute nue avec pour seul voile ses bijoux orientaux et sa coiffure hindoue. Elle le faisait aussi sur des improvisations au piano dans son très léger costume, une série de danses lentes ou de poses plastico-religieuses. Son début eut lieu dans un salon très connu à Paris, chez la comtesse de T. Devant une cinquantaine de spectateurs ou spectatrices du meilleur monde. Puis elle se produisit moyennant finances dans d'autres salons et dans les grands cercles de Paris et même de Nice. Laissant pour un instant l'espionne, est-il besoin d'ajouter que, dans leur nudité, les danses de Matahari n'avaient rien d'obscène ? Pourquoi l'a-t-on invitée et applaudie, écrivait un autre correspondant de l'intermédiaire. Parce que sa danse était belle et son intention artistique. Et considération qui mérite d'être notée aujourd'hui où se pose à nouveau, assez inopinée, la question du nu au théâtre, alors qu'on la pouvait croire définitivement réglée par des jugements qui semblaient devoir faire loi à l'avenir, l'intérêt du mouvement actuel est précisément de tracer une ligne de démarcation très nette entre le nu de l'art et ce qu'on pourrait appeler le nu du commerce. Les générations de 1860 et de 1875, puritaines ou naturalistes, confondaient volontairement la femme nue et la courtisane, celle de 1900 distingue. À part que, comme l'écrivait Gustave Flaubert à Louise Collet, la courtisane n'existe pas plus que le sein. Il y a des soupeuses et des lorettes. Plus simplement des poules, promulguerait aujourd'hui un moraliste, car elles se sont unifiées. Cette observation peut être tenue pour exacte. Ceux qui dénoncent aux foudres de la correctionnelle les audaces du nu appartiennent évidemment aux générations surannées qui ne le savaient comprendre, sinon accompagnées de bas montants à mi-cuisse et de quelques mosses de vin blanc. Le décor et les accessoires pour l'ordinaire imparti à la maison Tellier. Et l'on doit savoir gré à la danseuse rouge d'avoir victorieusement démontré dans ses danses sacrées la chasteté du nu et bien marqué le fossé profond qui le sépare des déshabillés de la revue et de l'obscénité des retroussis de l'ancien quadrille naturaliste. La danse de Matahari était chaste, c'est pourquoi elle fut invitée dans des salons mondains, où le plus communément, le décolletage est autrement compris et pratiqué. C'est pourquoi également, et c'est là encore une confirmation du roman de Louis Dumur, des femmes du monde ne craignirent point de fréquenter la danseuse et d'amener chez elles leurs filles mineures. Que l'on veuille bien se rappeler un procès récent, lequel aurait fait grand bruit si autour n'avait point été habilement organisée la conspiration du silence. Au terme même de la note adressée par maître A. Bourgoin, Maurice Garçon et Alexandre Zébaès à la première chambre de la cour d'appel de Paris, n'était-il pas indiqué qu'il avait été fait grief par ses gendres à la fille du fondateur du bazar de l'hôtel de ville, leur cliente, d'avoir conduit une de ses filles encore mineure à l'hôtel chez la danseuse, dont elle avait fait la connaissance dans un train de banlieue, Paris, impression Pigalle 1922. Le docteur Léon Bizard, qui devait le 15 octobre 1917 conduire Matahari de Saint-Lazare au poteau de Vincennes à d'autre part, dit dans la chronique médicale « Les maisons de prostitution à Paris pendant la guerre, juin-juillet 1922 », comment au début de 1914, il l'avait rencontrée dans une maison de rendez-vous. Ce qui prouve que, à cette époque, si elle appartenait déjà de cœur à l'Allemagne, Marguerite Gertrude Zell, dite Matahari, n'en recevait pas encore des mensualités suffisantes pour dédaigner dans la plénitude de ses 39 ans les menus profits d'un casuel qui ne devait pas laisser d'être parfois instructif. Arrêtée le 13 février 1917, elle avait comparu les 24 et 25 juillet devant le 3e Conseil de guerre de Paris que présidait le colonel Sanproux sous l'accusation d'avoir à l'étranger et en France entretenu des intelligences avec les agents d'une puissance ennemie dans le but de favoriser les entreprises de cette puissance, ayant en outre à répondre du crime d'avoir communiqué à cette puissance nombre de documents et renseignements sur la politique intérieure et l'offensive du printemps de 1916. Maître Édouard Clunet, avocat commis d'office par le bâtonnier Henri Robert, a présenté la défense de Matahari. Après 3/4 d'heure de délibération environ, le conseil est rentré en séance. À l'unanimité, Matahari a été condamné à la peine capitale. La danseuse a appris par son défenseur la condamnation prononcée contre elle. « c'est impossible », a-t-elle dit. Au bout de quelques secondes d'émotion, elle a repris son calme apparent. C'est de son pas énergique de danseuse qu'elle s'est rendue à l'audience, où le greffier Rivière lui a, en présence de la garde assemblée sous les armes, donné lecture de la sentence. Elle a répété alors à mi-voix « c'est impossible », puis elle s'est empressée de demander à signer son pourvoi en révision. Dans ce but, elle s'est rendue au greffe du 3e conseil de guerre, où l'a rejointe son défenseur avec lequel, d'une voix haute et calme, elle s'est entretenue pendant plus d'un quart d'heure. Lorsqu'elle quitta le greffe, elle affectait une grande énergie. Sur ses lèvres errait un sourire machinal. Le Figaro, 26 juillet 1917. Matahari, qui fit preuve jusqu'au bout de courage, après avoir refusé de se laisser bander les yeux, fut passé par les armes le lundi 15 octobre 1917 au polygone de Vincennes à 6h15 et son corps fut transporté au nouveau cimetière de Vincennes où eut lieu l'inhumation. Une automobile était venue prendre vers 5h la condamnée à Saint-Lazare où, avant de quitter la prison, elle remit un paquet de lettres à son défenseur Maître Clunet et le temps, auquel sont empruntés ces détails, divulgue le nom du pasteur Darboux que l'on voit figurer dans la scène d'hallucination de Léopoldine d'Arpajac et qui, en effet, accompagna la danseuse rouge jusqu'au poteau d'exécution. Tous les lecteurs du Mercure de France ont lu les défaitistes de Louis Dumur, mais combien peu, même parmi ceux qui ont conservé les journaux de la guerre, ont le loisir ou le courage de consulter leurs piles encombrantes, les prises actuelles de la reliure permettant aux bibliothèques publiques seules, pour qui c'est une nécessité coûteuse mais indispensable de les faire relier. Les périodiques moins embarrassants que l'on peut avoir sous la main, tels l'Illustration ou le Larousse mensuel, n'ont soufflé mot de la matinée sanglante du 15 octobre 1917. Il n'était donc pas inutile, peut-être, de relire les journaux contemporains du drame si bellement évoqué par l'écrivain et de leur faire quelques emprunts. Louis Dumur a utilisé ces documents et bien d'autres et leur a prêté le frisson de la vie. Matahari, cette espionne qui avait du cran, lui a fourni le sujet de quelques-unes des pages les plus émouvantes d'un livre où elle ne manque pas. Théâtre, cinéma, roman, Matahari est entrée dans la légende. Elle plut par sa danse et la beauté de son corps. Le poteau de Vincennes a fait une apothéose sanglante à cette femme qui, du moins, sut rester brave devant la mort. Voici la fin du récit très émouvant que le docteur Bizard, collègue du docteur Brales à la prison de Saint-Lazare, a fait de l'exécution de Matahari. Le directeur, M. Estache, mort depuis, me dit à l'oreille « on prend les dernières mesures ». Toute cette assistance parlant à voix basse me paraît pâle un peu. Tout à coup, une voix mâle retentit. « C'est un capitaine qui annonce « c'est l'heure, messieurs ». On va monter. Et voici la foule qui se précipite à sa suite vers la porte donnant accès à l'intérieur de la prison. Le colonel de la garde, le très distingué colonel Sanproux, qui a dirigé avec tant d'impartialité et d'autorité les débats du conseil de guerre, voyant cette affluence, commande alors avec fermeté que seules les quelques personnes autorisées monteront jusqu'à la cellule. Les autres attendront en bas et lui-même donnera l'exemple. À ce moment, un petit vieillard à la figure blême, qui n'est autre que Maître Clunet, se fraye un passage jusqu'au capitaine et l'interpelle d'une voix tremblotante. « Capitaine, capitaine, excusez-moi, je ne me sens pas le courage de monter, mais dites-lui bien que je suis là tout près et qu'elle soit assurée que, jusqu'au bout, je ne l'aurais pas abandonné. » « Je n'ai pas à faire vos commissions, maître, » réplique durement l'officier. « Ce que vous avez à dire à cette femme, dites-le vous-même. » Et l'avocat, se soutenant à peine, suivit le petit cortège qui montait jusqu'à la cellule. On arrive au greffe du premier étage, appelé en argot de la prison le pont d'Avignon, parce que tout le monde y passe pour se rendre dans les divers quartiers de Saint-Lazare. On suit le long du couloir faiblement éclairé d'un bec papillon, et nous remarquons que, pour amortir les bruits qui auraient pu donner des soupçons à la condamnée, les bonnes sœurs ont jeté des bouts de tapis, des couvertures sous nos pas. Sœur Léonide ouvre la cellule. L'officier, voyant trois femmes couchées, lui demande « Laquelle ?»« Celle du milieu, » répond la religieuse. « Matahari, dont j'avais fait doubler la veille la dose de chloral, dort entre les deux détenues gardiennes qui ont compris et, sanglotantes, sautent de leur lit. La sœur chargée de veiller est à genoux et prie, son visage de cire éclairé par la lueur tremblotante d'une veilleuse. Le capitaine secoue la condamnée, qui ouvre des yeux d'épouvante, cherche à parler et qui, assise sur son séant, se soutenant sur ses poings crispés placés en arrière, écoute l'officier lui annoncer d'une voix ferme mais émue. « Zèle, ayez du courage. Le président de la République a rejeté votre pourvoi. L'heure de l'expiation est venue. » Alors il se fait un grand silence. On ne voit dans la pénombre que deux yeux qui flamboient. D'une voix sourde d'abord, mais qui peu à peu se raffermit, Matahari répète au moins par 10 fois « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Très vite, elle reprend ses esprits. À sœur Léonide, qui penchée vers elle l'encourage, elle répond « Ne craignez rien, ma sœur, je saurai mourir sans faiblir, vous allez voir une belle mort. » Je lui offre un flacon de sel à respirer. « Merci, docteur, » dit-elle, « vous le voyez, je n'ai pas besoin de ça. » Cependant, elle accepte un grog que lui tend le docteur Brales. La condamnée commence pourtant à se vêtir, ou plutôt à se laisser vêtir, et la plupart des assistants se retirent par discrétion. Je reste près d'elle pendant qu'on commence à l'habiller, étendue sur son lit. Sa chemise, qui n'était pas de toile grossière, comme on l'a dit, car son linge personnel lui avait été laissé, se soulève tandis qu'elle fait un mouvement et découvre plus haut que les jambes. Une religieuse veut la couvrir. « Oh, laissez donc, ma sœur, ce n'est pas le moment de faire de la pudeur. » Peu à peu, le visage de Matahari prend une expression dure et coléreuse. Alors, tandis qu'on lui passe ses vêtements, elle ne va plus cesser de monologuer. « Oh, les Français, à quoi ça va leur servir de m'avoir tué, si encore ça leur faisait gagner la guerre ? Ah, ils verront, c'était bien la peine que je fasse tant pour eux, et pourtant je ne suis pas française. Ma sœur, je voudrais qu'on me donne ma robe la plus chaude, car il fait froid ce matin. Je veux aussi mes jolis petits souliers, j'ai toujours aimé à être bien chaussée. » Et pendant ce colloque, la danseuse tranquillement se poudrait. Puis tout à coup, j'ai à parler à mon pasteur. Monsieur Darboux s'approche, il a demandé un peu d'eau, dont on emplit un gobelet de prisonnière et qui tremble dans sa main. Sur sa demande, on le laisse s'entretenir en tête-à-tête avec la danseuse. Matahari, paraît-il, recevait in extremis le baptême. Pendant que s'accomplissait cette très simple cérémonie, je reste à la porte de la cellule en compagnie de maître Clunet. « Quelle tristesse, me dit le vénérable bâtonnier, de tuer en pleine force une telle femme !» C'était pourtant une belle intelligence. C'est grand dommage, vraiment, qu'il n'ait pas été possible, au lieu de la faire disparaître, de se servir de ses qualités au bénéfice de notre pays. Mais la porte s'ouvre, le pasteur sort, les yeux embués de larmes, nous invitant à rentrer. Mata, bien droite, son soutien, l'air altier, paraît vraiment nous recevoir. Revêtu de sa robe tailleur bleu à longue jaquette bordée de blanc, son chapeau canotier sur la tête, elle se gante posément. « Je suis prête, » dit-elle avec assurance, et se tournant vers moi, « Merci une dernière fois, docteur, pour tous vos soins et pour votre sollicitude. » Puis, s'adressant à sœur Léonide, J'ai beaucoup voyagé, ma sœur. Eh bien, cette fois, c'est mon dernier voyage. Je pars pour la grande gare, mais n'en reviendrai pas. Allons, voyons, faites comme moi, petite mère, ne pleurez pas. Un officier s'approche alors, lui demandant, comme le veut la loi, si elle n'a aucune révélation à faire. Aucune, répondit-elle sèchement, et si j'en avais, vous pensez bien que je les garderais pour moi. La loi voulait aussi qu'une dernière question lui fût encore posée. Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance. Code pénal, livre 1, chapitre 1, article 27. On a écrit dans un livre que l'avocat de Mata avait invoqué au dernier moment cet article 27 pour reculer l'exécution de sa cliente. Cet épisode, tel qu'il a été relaté, est de pure fantaisie. C'est le docteur Soquet, médecin légiste expert, qui en est chargé. Tout doucement, il demande à Mata Hari si elle n'a aucune raison de se croire enceinte. « Oh, sûrement non !» réplique-t-elle presque en riant. « Comment voudriez-vous ? » Elle s'engage alors dans le long couloir, semblant conduire le cortège qui l'entoure et la suit. À ce moment, le gardien-chef croit devoir se précipiter sur elle et lui saisir le bras, mais elle se dégage brusquement et d'un accent rauque s'écrie « Laissez-moi vous, ne me touchez pas, je ne veux pas, je ne suis pas une voleuse. En voilà des façons !» Et c'est le gardien-chef qui obéit. « Petite mère, je vous prie, donnez-moi le bras et ne me quittez pas. » Alors me raconta sœur Léonide, je lui tendis le bras et je pris sa main dans la mienne. Je la serrai aussi fort que je pouvais, parce que je me méfiais. Elle était bien capable de faire une blague au dernier moment. On descend l'escalier et la porte s'entr'ouvre sur le guichet d'entrée, où se tiennent d'ordinaire les paisibles gardiens de Saint-Lazare. Il y a foule et la danseuse sourit. Oh, que de monde, quel succès! Puis, sans s'émouvoir, elle parcourt les quelques mètres qui la séparent du greffe, où a lieu la levée d'écrou. Zelle Marguerite Gertrude, dite Mata Hari, est remise à l'autorité militaire pour être exécutée à Vincennes. C'est à ce moment qu'elle demande et obtient la faveur d'écrire quelques lettres. Mata Hari dégante sa main droite, et de sa grande écriture qui ne tremble pas, elle écrit posément trois lettres, inscrit l'adresse sur les enveloppes et les remettant au directeur, elle ajoute souriante « Surtout qu'on ne brouille pas les adresses, ça ferait du beau. » Pendant ces 10 minutes, je me tiens à 1 mètre à peine, épiant une faiblesse possible qui ne se produit pas. « J'ai terminé, » dit-elle. C'est alors que les gendarmes prennent possession de la prisonnière et la font monter dans la voiture où prennent place avec eux la sœur Léonide et le pasteur Darboux. Durant le trajet, le pasteur est tellement ému qu'il peut à peine parler. Mata Hari fait ses adieux et répète « Je pars pour la gare dont on ne revient pas » et elle ajoute encore « Ah, c'est français !» La sœur Léonide l'exhorte à la résignation et au pardon. « Au moment de comparaître devant Dieu, dit la religieuse, il ne faut plus garder pour personne des sentiments de haine. Je ne voudrais pourtant pas pardonner aux Français, » répond-elle. « Oui, ma fille, il le faut. » Et à mi-voix, Mata Hari répond « Puisque vous le voulez, ma chère mère, je pardonne. » On arrive à Vincennes. L'exécution est fixée à 6h15. Et le jour vient de poindre à peine. Les troupes sont alignées sur 3 lignes. Et, tandis que la voiture s'arrête à l'extrémité du carré, face au poteau, retentit une sonnerie de clairon. Alors, au milieu d'un silence impressionnant, Mata Hari descend de voiture, tend la main à sœur Léonide pour l'aider à descendre et lui prend le bras. Entourée de gendarmes, la religieuse priant à haute voix et celle qui va mourir s'avance lentement. Arrivée près du poteau, Mata Hari, se séparant brusquement de la sœur, lui dit « Embrassez-moi vite et laissez-moi maintenant. Mettez-vous sur ma droite, je regarderai de votre côté. Adieu. » Puis, tandis qu'un officier donne lecture du jugement, la danseuse, qui a refusé de se laisser bander les yeux, d'elle-même s'est placée contre le poteau, une corde qui n'est même pas nouée passée autour de la ceinture. Le peloton d'exécution, composé de 12 chasseurs à pied, 4 soldats, 4 caporaux, 4 sous-officiers, est à 10 mètres d'elle. Mata sourit encore à sœur Léonide agenouillée et fait un geste d'adieu. L'officier commandant lève son sabre, un bruit sec, suivi du coup de grâce moins éclatant, et la danseuse rouge s'écroule tête en avant, masse inerte qui dégoutte de sang. Au bruit des clairons, les troupes défilent devant le cadavre, sauf un tout petit soldat qui était placé tout juste devant moi pendant l'exécution et que je dépose évanoui sur le gazon. Un fourgon s'avance. Deux tringlots en retirent une bière de sapin où ils étendent le corps déjà raidi qui, après un simulacre d'inhumation, sera remis à la faculté. Voici un témoignage tout à fait inédit, celui de l'aspirant du 26e bataillon de chasseurs à pied qui commanda le peloton d'exécution de Matahari. Je faisais fonction d'officier de jour au fort de Rosny-sous-Bois, dépôt des Zouaves, le dimanche 14 octobre 1917, lorsque le commandant de la place de Vincennes me téléphona pour me prévenir que j'aurais à prendre la tête d'un peloton d'exécution pour le lendemain matin, lundi 15 octobre. Il me spécifia de choisir des hommes sûrs, de toute confiance, en raison de circonstances toutes spéciales. Il ne me donna pas d'autres explications, mais je compris aussitôt qu'il s'agissait de Matahari. J'en conçus quelque inquiétude, car de la part d'une femme, on pouvait s'attendre à des larmes, des cris, de la résistance, et même une crise de nerfs. Je rassemblais 12 sous-officiers de Zouave, ayant tous fait campagne sur le front. 4 d'entre eux seulement devaient porter les insignes de leur grade. 4 autres mirent à leur capote des galons de caporal. Les 4 derniers durent ôter leurs galons, afin que le peloton fût formé selon les exigences du règlement qui stipule 4 sous-officiers, 4 caporaux et 4 hommes de troupe. La haie fut composée de dragons, d'artilleurs de Vincennes et d'un régiment de ligne de la garnison de Paris. Mes craintes de la veille se dissipèrent dès que je vis paraître Matahari. Elle fit entre les deux religieuses qui l'accompagnaient son entrée avec une parfaite crânerie et même d'une façon un peu théâtrale. Elle embrassa son défenseur et, pendant qu'elle traversait le carré des troupes, elle envoya un baiser dans la direction de je ne sais qui parmi les personnages officiels assez nombreux. Elle se laissa lier au poteau, d'ailleurs d'une façon assez sommaire, par les deux gendarmes à qui il incombait de le faire. Mais lorsqu'un petit chasseur à pied se présenta pour lui bander les yeux, elle s'y refusa avec véhémence. Au moment où je levais mon sabre pour commander le feu, elle me regarda bien en face et me dit « Monsieur, je vous remercie ». 11 balles avaient porté sur 12. Le maréchal des logis de dragons, chargé de donner le coup de grâce, n'a appuyé le canon de son revolver que contre la tempe d'une morte. Le 5 mars 1923. Mon cher Gomez Cario, je vous envoie par ce même courrier, en un paquet recommandé, le seul exemplaire de Mare Nostrum qui restait dans ma bibliothèque. Quand j'écrivis ce roman, Matahari était encore une inconnue ou presque, pour ma part du moins. Je n'avais pas la moindre idée de son existence. On peut dire que je la pressentis en créant la protagoniste de mon roman. Remarquez la date indiquée à la fin du livre, parue quelques mois à peine après l'exécution de la ballerine, et sachez que la rédaction de ce volume me prit beaucoup, beaucoup de temps, car c'est à cette époque que je tombais malade à Paris et que je dus venir pour la première fois sur la Côte d'Azur. La seule chose inspirée par Matahari dans mon livre, c'est la scène de l'exécution. Cette scène est rigoureusement exacte. J'avais terminé mon roman, on avait même commencé à l'imprimer en Espagne quand la Bayadère fut exécutée. J'allais alors un après-midi voir le vieil avocat Clunet, défenseur de Matahari, qui était de mes amis de longue date. Comme l'événement était encore tout récent, Maître Clunet, témoin oculaire, s'émut en me le racontant en détail. Rarement dans ma vie j'ai entendu un homme exprimer son émotion avec tant de couleurs et tant de reliefs. Après cette entrevue, je remaniais la fin de mon roman. Je puis affirmer que l'exécution y est décrite telle que Maître Clunet la vit. Cette description, je la fis de vive voix à Louis Dumur et à d'autres romanciers qui s'intéressaient à la danseuse rouge. Le récit que l'avocat me fit à moi est à la base, pour ainsi dire, de toutes les descriptions parues de l'exécution. Et c'est en tout cas la seule chose de tout mon ouvrage qui ait quelque rapport avec Matahari. Tout ce qui le précède est un pressentiment, une divination subconsciente de la réalité, puisque, je vous le répète, j'avais déjà écrit les trois quarts de mon roman que j'ignorais encore que cette femme exista. Je ne vous fatigue pas davantage. Vous le savez, je suis toujours ici entièrement à vos ordres. En ce moment, je mène une vie presque de somnambule. Je travaille d'arrache-pied et avec acharnement à la reine Calafia. Affectueux souvenir de votre ami dévoué et admirateur de tout cœur, Vicente Blasco Ibáñez.